parti de rien gros. J'croyais qu'en mon rap conf, à la zik j'suis accro. Marseillais comme Bengouf, que tu dors tu parles trop. Docteur la picouf, un T-Max dans le rétro. T'as sorti le douf, ça m'a rendu malade. J'faisais des gros joints de salade. J'ai toujours la balave, quand c'est le cœur ça s'en va pas. T'inquiète même pas y'a foyer.